pourquoi des chefs africains ont collaboré à la traite négrière. À la fin du XIXe siècle, la Troisième République a justifié la colonisation de l'Afrique subsaharienne en affirmant notamment qu'il fallait mettre fin à l'esclavage. Cet argument peut paraître paradoxal, puisque les Européens avaient eux-mêmes construit leur premier empire colonial en pratiquant massivement la traite négrière. Mais comme l'esclavage avait été définitivement aboli en France en 1848, au nom des valeurs de la République, il était légitime de poursuivre ce combat au-delà de nos frontières. Les historiens ont toutefois cherché à savoir si l'esclavage existait encore en Afrique à la fin du XIXe siècle ou s'il s'agissait d'un argument confortant les préjugés présentant les Africains comme des sauvages arriérés. Les recherches sur ce sujet ont montré que les commerçants arabo-musulmans avaient alimenté le trafic des esclaves dès le Moyen Âge. Puis les Européens ont pris le relais en développant la traite à l'échelle transatlantique. Ces prédateurs, d'abord arabes puis occidentaux, ont excité la cupidité de nombreux chefs de tribus africaines. L'Afrique subsaharienne a été prise alors dans une logique infernale. Au départ, les captifs étaient vendus contre des armes, des chevaux, des textiles ou des coquillages qui servaient de monnaie dans cette partie de l'Afrique pré-coloniale. Mais le développement de la traite négrière eut pour effet d'introduire en Afrique la logique capitaliste. Les rapports monétaires remplacèrent les anciennes formes d'échange et la propriété privée, qui était inconnue sur ce continent, s'imposa progressivement. La concentration des terres devint alors l'un des moyens essentiels pour accumuler des richesses et du prestige social. Ce nouveau système socio-économique incita les chefs de clan à vendre de plus en plus de captifs en engageant des guerres incessantes contre leurs voisins. Lorsque les Européens renoncèrent à l'esclavage, cette forme extrême de domination subsista au sein des sociétés africaines. Pour cultiver des terres qui étaient désormais l'une des principales sources de richesse et de puissance, il fallait disposer en effet d'une main-d'œuvre abondante. Dans une logique comparable à celle du servage en Europe, les conflits tribaux se multiplièrent, les vaincus devenant les esclaves des vainqueurs. À la fin du XIXe siècle, les partisans de la colonisation purent donc justifier leur entreprise en disant qu'ils voulaient mettre fin à cette forme d'esclavage. L'exemple qui a été le mieux étudié est celui du royaume du Dahomey, l'actuel Bénin, à l'époque du roi Béhanzin. Sa richesse venait en grande partie des fermes royales dans lesquelles travaillaient un grand nombre d'esclaves originaires d'une tribu qui avait été vaincue, les Nado. En 1889, lorsque la France déclara la guerre au Dahomey, Béhanzin prit la tête d'une résistance armée qui dura 5 ans. Finalement vaincu, il dut signer un traité plaçant le Dahomey sous la domination de la France. L'article 6 de ce traité interdisait la traite des esclaves, mais dans le même temps, les autochtones furent soumis au régime de l'indigénat, système juridique discriminatoire qui les exposait au pouvoir arbitraire des administrateurs coloniaux.